إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في دراسة كتاب المورد العذب الزلال للشيخ النجمي حفظه الله تعالى، ولا زلنا في مقدمة وتقريض الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. Donc voici notre deuxième rencontre autour du livre du Cheikh Najmi حفظه الله تعالى et qui est intitulé La source douce et abondante dans la critique des voies et des croyances et des actes. Nous sommes toujours dans l'introduction du Cheikh Rabi' et les éloges qu'il a fait sur ce livre. وقفنا عند قوله حفظه الله تعالى الباب الأول منها. قال بعد ذلك الإيضاح الشافي نفذ إلى كشف عوار الباطل وبيان زيفه في سبعة أبواب. إلدي حفظه الله تعالى كبخيك الشيخ النجمي نزادوني دي زيك لخسيسمون أبوندونت اي سور لفوندمون sur laquelle est basée la da'wah des messagers alayhi salatu wassalam, il a commencé à dévoiler le faux et le nul qu'il y a dans ces mouvements de da'wah qui est sur le terrain. Et il le fera dans sept chapitres. Cheikh Najmi, il a réservé cinq chapitres pour les fondements des messagers alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire tawhid, le monothéisme, le fait de croire en l'au-delà et tout ce qui va avec l'au-delà, la récompense, le paradis, l'enfer. Le fait de croire, le troisième point, c'est le fait de croire en les messagers et en leur message. Et pour ce qui concerne le fait de dévoiler le nul qu'il y a dans les groupes qui existent sur le terrain, il a réservé à cet effet-là sept chapitres. يقول الشيخ حفظه الله الباب الأول منها وهو السادس في سلسلة أبواب الكتاب في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم. بين ذلك بالأدلة الواضحة. Il dit le premier chapitre parmi les sept chapitres. Et c'est le sixième chapitre dans la série de ce livre. C'est, il nous montre que le fait de dévier de la voie du messager alayhi salatu wassalam, c'est le fait de délaisser la voie droite, la rectitude. Et il nous a montré ça avec preuve. Il ramène les preuves en quoi le fait de dévier de la voie du messager alayhi salatu wassalam, c'est le fait de délaisser la rectitude et sirat al-mustaqim. Wa fil bab al-thani wa huwa al-sabi' bayyana an al-hizbiyyah laysat min manhaji al-anbiya' wa an al-hizbiyyah bid'ah wa dalalah. Et dans le deuxième chapitre, parmi les sept chapitres, et qui est le septième chapitre dans le livre en réalité, il nous montre que le fait d'adhérer à un parti, d'être hizbi, et d'adhérer à un parti, cela ne fait pas partie de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et que le fait d'être adepte d'un parti, ceci est une innovation et un égarement. والباب الثالث وهو الثامن في بيان مساوئ الحزبية فذكر لها تسع مفاسد يكفي بعضها لإدانة الحزبيين بالضلال. Et le troisième chapitre, qui est en réalité le huitième dans le livre, il nous montre le mal qu'il y a dans les partis et le mal du fait d'être sectaire pour un parti et d'être adepte d'un parti. Et il nous a il a cité 8 points mauvais dans le fait d'être adepte d'un parti. Il a dit, certaines parmi ces erreurs qu'il a citées sont suffisantes pour dire des hizbines qu'ils sont dans l'égarement. Et pour désigner les hizbines, qu'en quoi ils sont dans l'égarement. وفي الباب التاسع ذكر ما ينتقد على الإخوان المسلمين من الانحرافات بلغت 25 ضلالة وما أكثر شرهم ومساوئهم وما أخطرهم على الإسلام والمسلمين. Et au 9e chapitre, il a commencé à parler des points qui sont que les hommes de science reprochent aux frères musulmans. Les points d'égarement qu'il y a dans ce groupe. Il a cité 25 points d'égarement chez ce groupe. 25 points d'égarement chez ce groupe. Et Cheikh Rabi a dit dire, et le mal de ce groupe est grand et énorme et très mauvais, très néfaste et très dangereux pour l'islam et pour les musulmans. ولقد أظهر الله حقيقة منهجهم الفاسد وعقائدهم الضالة. الشيخ ربيع بن يدير الله سبحانه وتعالى il a divulgué la réalité de la voix de ce groupe, de ce, la réalité du mauvais qu'il y a dans la voix de ce groupe, et il a divulgué les fausses croyances et les croyances de l'égarement dans lequel ils sont. ألا يرى المسلم الصادق أنهم في بعض البلدان يعقدون المؤتمرات للدعوة إلى وحدة الأديان وإلى مؤاخاة النصارى وإفساحه من مجال لتشييد الكنائس والقبور. Il dit, est-ce que le musulman, Cheikh Rabih, de nous dire, de nous interpeller et de nous dire, est-ce que le soumis à Allah véridique ne voit pas, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ne voit-il pas que dans certains pays, ils font des congrès pour appeler vers l'unicité des religions et vers le fait que les chrétiens, les juifs, etc., et les musulmans soient des frères. Et ils ouvrent ils appellent au fait de donner la possibilité à construire des églises dans les pays de l'islam et de construire des tombes. Alam yasma'il 'alam bi tajyishihim lish-shiyu'iyyin wal-batiniyya war-rawafid didd ash-sha'b al-afghani ba'da tabajjuhihim al-kadhib بأنهم يحملون هموم الأمة الإسلامية ويحاربون أعداءهم من الشيوعيين والعلمانيين والحداثيين وهذا سنقف عليه. ناسا نقرأ رسالة الشيخ مقبل حفظه الله تعالى التي عنوانها مقتل الشيخ جميل الرحمن حفظه الله، وسنرى أنهم من وراء اغتيال الشيخ جميل الرحمن الذي كان أميرا للمجاهدين عندما كان الجهاد شرعيا في الجهاد في في في في افغانستان. Ils disent que le monde n'a pas entendu le fait qu'ils ont préparé des armées parmi les communistes et parmi Rafida contre le peuple afghan et parmi le Bataniya contre le peuple afghan, alors qu'ils disent au monde, ils propagent dans le monde des propagations mensongères comme quoi qu'ils portent les soucis de la communauté de l'islam et qu'ils combattent les ennemis de l'islam et qu'ils combattent les laïcs et qu'ils combattent les communistes, etc. Et en réalité, c'est faux. Et nous allons le voir clairement. Au moment, Inch'Allah, on va lire une risala du Cheikh Muqbil Hafidhahullah Ta'ala, Rahmatullahi Alayh, où il parle de l'assassinat par l'organisation des frères et d'autres hizbis là-bas en Afghanistan de Cheikh Jamil Rahman, qui était l'émir des Mujahidin en Afghanistan, quand il y avait le jihad légiféré. وفي تركيا قام حزبهم بتنازلات كثيرة وأساسية بهدم الإسلام وقام بالالتزام بالديمقراطية وحماية العلمانية وأضاف في هذه الأيام الاتفاق العسكري مع اليهود ضد الأمة الإسلامية وخاصة الشعوب العربية. Et en Turquie, et ça il y a 10 ans, cette introduction, il date d'il y a 10 ans. Et combien cette nuit ressemble à celle d'hier. Et en Turquie, leur parti, le parti qui a une orientation de frères musulmans, hein, a délaissé beaucoup de choses et des choses fondamentales de l'islam pour détruire l'islam. Et il s'est accompli sur le fait de se cramponner à la démocratie et de défendre la laïcité. Et il dit ces jours-ci, il a rajouté encore un point, c'est le fait d'être d'accord, d'avoir un accord militaire avec les juifs contre la communauté de l'islam et contre les peuples arabes. Et cette introduction, il date d'il y a 10 ans. Mais combien cette soirée ressemble à celle d'hier ? ألا تكفي هذه الفضائع المدمرة للإسلام والمسلمين لإيقاظ المسلمين المخدوعين وفتح أبصارهم وبصائرهم على هذه الحقائق المروعة. Est-ce que ces catastrophes ne suffisent-ils pas, ces choses qui sont en réalité une destruction de l'islam et du musulman, est-ce que cela ne suffit pas pour éveiller ceux qui se sont fait avoir par ce groupe et par les prétentions de ce groupe? Est-ce que ça ne suffit pas pour leur ouvrir les yeux et leur ouvrir leur clairvoyance sur ces réalités qui font peur? ألا يكفي بعضها لفضح من يتولاهم ويدافع عنهم مما يلبسون السلفية مخادعة للشباب السلفي كي ينضموا إلى صفوف هذا الحزب المدسوس على الإسلام والمسلمين. Ne suffit-il pas à ceux qui sont leurs alliés et qui les défendent et qui des fois se déguisent au nom, ils parlent au nom de la salafia. Pourquoi? Pour faire dévier les jeunes, pour trahir les jeunes et les dévier et pour les amener à rentrer dans ce groupe, à être des adeptes de ce parti. Et il dit ce parti qui est quelque chose d'introduit chez les musulmans et dans l'islam. C'est-à-dire que ça ne fait pas. Le fait de se constituer en ce parti-là ne fait pas partie de l'islam. Et il dit, حفظه الله تعالى, ألم يأن للذين انخدعوا بهذا الحزب الذي أرسيت دعائمه على الضلال أن يفيقوا من غيبوبتهم فيهرعوا إلى التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم ويسيروا على هدى الصحابة على هدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, est-ce qu'il n'est pas temps pour ceux qui se sont fait avoir par ce parti? Ce parti qui est basé sur l'égarement, dont la fondation est basée sur l'égarement. Est-ce qu'il n'est pas temps pour ceux qui se sont fait avoir par ce parti de se réveiller maintenant et de revenir, de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna de leur prophète, alayhi salam, et qu'ils prennent la voie de leurs plus ailleurs, d'Allah alim, qui sont les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Ya, yaqulu hafidhahullah ta'ala, ya wayha ummatin. Ya wayha ummatin, yusallamu قيادها لمن يقودها إلى مهاوي الضلاك والهلاك والبوار. Il dit malheur à une communauté dont les rênes, dont la direction a donné à des gens qui vont l'amener à sa destruction et à l'égarement. Malheur à une communauté dont la direction est donnée à des gens qui vont l'amener à l'égarement et à sa perte et وعليكم السلام ورحمة الله. ويقول حفظه الله تعالى ثم عقد الباب العاشر في من انتقد على جماعة التبليغ تكلم فيه على منهجهم الفاسد وعقائدهم الضالة التي منها الحلول ووحدة الوجود والمراقبة عند القبور إلى تمام 25 ضلالة. والواقع أن ما عندهم أكثر من ذلك وبينهم روابط عقائدية ومنهجية وبين الإخوان المسلمين وسائر فرق الضلال. Il dit, حفظه الله تعالى, que Cheikh Najmi a ouvert le 10e chapitre. Et le 10e chapitre, il est réservé à la critique du Jama'at Tabligh. Il a parlé sur la mauvaise voie qu'a pris cette Jama'a, sur les mauvaises croyances et les croyances de l'égarement qu'ils ont. Il fait partie de ces croyances, c'est qu'ils croient au hulul, c'est-à-dire qu'Allah est dans ses créatures, et qu'ils croient, certains parmi les grands, croient en l'unicité de l'existence, c'est-à-dire que la créature et les créatures, c'est une seule chose. Et ils croient aussi au fait d'observer à côté des tombes, fait d'observer à côté des tombes. Et par exemple, comme hein, certaines voient Sophie, il arrive à côté de la tombe, il s'assoit, il met un drap sur la tête noire ou autre, et il commence « Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allah me voit, Allah est présent avec moi » et ainsi de suite, à côté de la tombe. Et d'autres pratiquent. Il dit que Cheikh Najmi Hafidahullah, Cheikh Rabi'a nous dit que Cheikh Najmi a cité 25 points d'égarement chez ce groupe. Donc il a fait un petit peu, hein, 25 chez les frères musulmans et 25 là. Mais Cheikh Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Rabi'a, il dit en réalité, ce qu'il y a chez le groupe d'Yal Tablir, c'est beaucoup plus que ça. Et il a dit, et entre Tablir et l'Ikhwan, ils ont des points en commun au niveau de leur croyance et au niveau de leur voix. Et que tous les groupes égarés, avec l'Ikhwan et Tablir, etc., ils ont des points en commun sur lesquels ils se rencontrent. ويقول حفظه الله تعالى وهاتان الطائفتان الإخوان المفلسون كما قال الشيخ مخبر رحمه الله تعالى وجماعة التبليغ هما أشد الفرق كيدا للمنهج السلفي وأهله وأشد الفرق تركيزا على هدم هذا المنهج العظيم وقد خططا لغزوه وأهله في عقر دارهما وقد تمكنتا من إفساد كثير من المنتسبين للمنهج السلفي في الجزيرة العربية وفي غيرها نسأل الله أن يرد كيدهما في نحورهما وأن ينقد الإسلام وأمة الإسلام وشبابها من مخالبهم آمين يا رب العالمين Il dit, حفظه الله تعالى, que ces deux groupes, les frères musulmans, ou les frères mouflissoun, comme les appelés à Cheikh Mokbil de les appeler. Le mouflissoun, c'est celui qui a fait faillite. Et les ikhwan musulmans, que ce soit en politique ou en social, ils ont fait faillite. Et dans la religion, ils ont fait faillite aussi. Et il dit, les Khwan al-Muflisoun, ainsi que Jama'at Tablir, ce sont les pires ennemis de la voie du puiseur, d'Allah alayhi. Et ce sont ceux qui combattent la voie du puiseur, un combat acharné. Hein? En secret, au devant de la scène, comment, hein? Dès qu'ils ont l'occasion de combattre la voie du puiseur, la voie du salaf, d'Allah alayhi, les salafis, ils le font. Dès qu'ils peuvent les dégager d'un endroit ou d'une mosquée, ils le font. Ils n'hésitent pas. Il dit qu'à tel point ils ont manigancé, ils ont créé des stratagèmes pour combattre les salafis chez eux dans leur maison. Et ils sont arrivés à faire du mal à beaucoup de ceux qui étaient dans la voie du puiseur, notamment en Arabie Saoudite et dans d'autres pays ici aussi. Et ils ne se fatiguent pas. Et cherche de faire un dua contre eux, et nous on dit Amin pour le dua qu'il a fait contre eux. Et le fait, ceci est une réalité. Quand on a commencé la dawa dans le nord de la France, il y avait des tablirs qui tournaient maison par maison et frappaient chez les darons pour leur dire faites attention, vos enfants vont se retrouver en prison. Vos enfants, s'ils suivent tel, ils vont se retrouver en prison. Ainsi de suite. Là, il est recherché par la police française. Il est recherché par la police marocaine. Il est... Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que certains jeunes qui nous fréquentaient, à qui ils sont allés dire ça à leurs parents, vers que on a pris la voiture, nous et leurs enfants, on est arrivés au Maroc et eux, ils sont venus nous voir au Maroc. Et Allah. Pour après se retrouver qui ? Tu mens à qui ? Ils utilisent tous les moyens. Et c'est vrai quand tu parles d'Aaron, qui est un jeune de 18 ans, 20 ans, 22 ans, et tu parles, etc., il a peur pour son fils. Et il est normal qu'il te regarde, Dana, parce que tellement on te décrit comme une bête noire. Hein? Ils utilisent tous les moyens pour dénigrer la voix du puzzle et pour dénigrer ceux qui propagent cette voix. Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas fait au campus ? Par tous les moyens, et dans les mosquées alentours. Attention, n'allez pas à la mosquée de Kami, au Moussalla de Kami. Hein? Un jeune d'ici de Bruxelles, il m'a dit que, des fois, vous faites le programme, il y a le centre Al-Furqan. Yak, Vous allez pour le coller dans certaines mosquées. Il y a d'autres jeunes qui viennent et qui l'arrachent. Et ces jeunes prétextent comme quoi ils ont un contrat avec certains prêcheurs ici, que chaque fois qu'il y a une affiche du centre Al-Furqan, il faut qu'ils la déchirent. Parce qu'ils ont fait allégeance à ceux-là. Hein? Et le combat, là, il ne faut pas croire que Hadou, il dorme. Là, il ne dorme pas. Là, ils n'ont d'autres ennemis que Salafiyin. ثم عقد يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ثم عقد الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وساق الأدلة على ذلك. إذن ندير aussi الشيخ ربيع que الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى ouvert le 11e chapitre pour nous montrer qu'il est obligatoire de prendre la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il a ramené les preuves de la parole d'Allah Azza wa Jal et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qala hafidallah ta'ala wal bab al-thani 'ashar fi dam al-bid'a wal mubtadi'in. Il a dit que le 12e chapitre, il l'a réservé au fait de blâmer l'innovation et les innovateurs en même temps. Wal bab al-thalith 'ashar fi fadl al-iltizam bis-sunnah wa mutaba'atiha wa dhammanaha faslan fi al-firqa an-najiyah al-mansura وظهورها على من خالفها بالحجة والبرهان بعد تميزها بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. Et il a dit le troisième chapitre, il l'a réservé au fait de nous montrer les vertus du fait de se cramponner à la sunna et de suivre la sunna. Et dans ce chapitre, il a aussi parlé de la faction victorieuse et comme quoi il est apparente et qu'il a le dessus avec les preuves. Hein? Et son apparence se fait avec les preuves. Et il dit que ce groupe, cette faction, reste particulière. Pourquoi elle est particulière? Parce que justement, il se cramponne au livre d'Allah, et à l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salam, et à la voie sur laquelle étaient les puiseurs d'Allah. Et ceci est très important, se particulariser. Ça ne veut pas dire se marginaliser, loin de là. C'est-à-dire être particulier parce que la voix de nos puiseurs, elle veut que tu aies cette particularité. Il veut qu'il y ait cette particularité. Il veut qu'il y ait cette différence entre toi et les innovateurs. ويقول حفظه الله تعالى وختم كتابه القيم بخاتمة ضمنها بيان خصال رديء عند الطائفتين عقاديا ومنهجيا وعمليا بلغت 15 خصلة. Et il a dit, et à la conclusion, Cheikh Rabi nous dit qu'à la conclusion, Cheikh Ahmed Najmi, حفظهم الله تعالى جميعا, a fait une conclusion dans laquelle il a montré toutes les mauvaises caractéristiques et les défauts qu'ont ces deux groupes au niveau de, dans leur croyance, dans leur voix et dans la mise en pratique de la religion. Et il a dit ces caractéristiques, ces défauts, que les caractéristiques sont au nombre de 15 chez les deux. كما ضمنها دعوة للقراء الكرام ممن انخدع بهاتين الطائفتين ومناهجها المبتدعة إلى قراءة هذا الكتاب بكل تجرد وإنصاف وخاصة المخدوعين من أهل المملكة العربية السعودية الذين تربوا على التوحيد وأن ينظروا إلى ما كتبه بعين العدل بعين الحق والعدل ولكن هذا الكلام وجه إلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لأن الإخوان المفلسون ومنهجهم ومنهج التبليغ سرى كالسرطان في الأمة الإسلامية فيجب اجتتاته يجب اجتتاته. Et il dit aussi que dans cette conclusion, il a donné un conseil aux nobles lecteurs de ce livre qui se sont fait avoir par ces deux groupes et par les voix innovées de ces groupes, qu'ils lisent ce groupe en étant dépouillés de toute forme, de tout sentiment de sectarisme. Hein? Et qu'ils le lisent en voulant chercher la vérité. Et il dit surtout les gens, les jeunes et les gens de l'Arabie Saoudite, qui ont été éduqués sur le monothéisme, et qu'ils regardent ce livre avec justice, un regard juste. Hein? Mais ce qu'il a dit, cher, certes, pour les jeunes d'Arabie Saoudite et pour ceux qui sont nés dans l'unicité, mais ce message, il est adressé à tout musulman, n'importe où il soit, parce que la voix d'Yel, les frères musulmans, et la voix d'Yel Tbligh, c'est comme un concert et une gangrène qui a grignoté la communauté. Il faut la stopper. Il faut la griffer. Partout. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب القيم وأن يحقق به الغاية التي يسعى إليها كل مخلص كل مصلح مخلص ومنهم المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه وسلكه في عداد المجاهدين الداعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إن ربي سميع الدعاء ونحن نقول آمين على دعاء الشيخ كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في يوم 22 في الشهر السابع من السنة 1417 منذ 21 سنة الآن مرت على الكتاب كم؟ 11 سنة هنا في 1428 الآن يا لا فايل تيرمين بار سو دعاء ديك الله سبحانه وتعالى فاس بروفيتي les gens de ce noble livre, et que hein, il arrive à accomplir le but pour lequel il a été écrit, et le but que veut tout éducateur et tout homme sincère qui veut le bien de cette communauté, et fait partie de celui qui a écrit, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Hafidhahullah Ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala accomplit sur sa voie, et qu'il le prend parmi les combattants sûrs qui appellent vers Allah avec sagesse et avec bon exhorte, etc. Et nous, on dit Amin pour le dua d'Yel Cheikh. Il signe son livre, Rabi ibn Hadi al-Madkhali, membre du comité de l'enseignement de l'université de Médine à l'époque, quand il a signé le 22-7 de l'année 1417 de l'Hijr. Et on est en 1428. Il y a 11 ans pour cette traduction, pour cette introduction et pour cet éloge qu'a fait Cheikh Rabi à ce livre. والآن إلى مقدمة الشيخ زيد بن هادي المدخلي ومن الآن سأقرأ من المقدمة وأخذت تعليقات ببعض التصرف للشيخ أبو مالك الجهني حفظه الله تعالى الذي شرح الكتاب شرحا جيدا maintenant nous commençons le livre l'introduction de l'auteur qui est الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى auparavant nous avons lu sa biographie L'éloge qu'on a fait Cheikh Al-Fawzan et l'éloge qu'on a fait Cheikh Rabi'a qu'on vient de terminer. Maintenant, à l'introduction de Cheikh Ahmed Hafidhahullah Ta'ala. Et à partir de maintenant, je vais rallier les deux. À savoir, je lis dans le livre de Cheikh Najmi et j'ai pris des notes avec quelques modifications du commentaire qu'on a fait Cheikh Abu Malik Al-Juhani Hafidhahullah Ta'ala. Parce qu'il a fait de très bons commentaires sur ce livre et sur le livre d'Yel Menhaj al-Anbiya fi d'Dawati ila Allah que nous allons refaire, Inch'Allah aussi. Avec les mêmes commentaires. Les commentaires d'Yel Cheikh Abu Malik. Fayaqulu Cheikh Najmi Hafidhahullahu Ta'ala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi hamdan kathiran mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd فقد بلينا في هذا الزمان بمناهج دعوية وفدت إلينا تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر بل وتستمرئ الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به ici Cheikh Najmi sur ce passage après les louanges et la prière sur le prophète عليه الصلاة والسلام dit nous sommes éprouvés à notre époque par des voies dont da'wa qui sont arrivés, qui se sont introduites, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, n'existaient pas en Arabie Saoudite, ils se sont introduites en Arabie Saoudite. Et ces voies dont Dawa mélangent le vrai et le faux. Et la sunna et l'innovation. Et le bien et le mal. Et le blâmable et ce qui est ordonné. Même, ils voient aucun mal au niveau de l'associationnisme. C'est pas un problème l'associationnisme pour eux ni l'adoration des tombes. فيقول حفظه الله تعالى فقد كانت وما زالت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها أي بلاد الحرمين حفظها الله سبحانه وتعالى تحت الحكم السعودي تدين بالمنهج السلفي حاكمين ومحكومين قادة ورعية ذكورا وإناثا صغارا وكبارا فلما وفدت علينا تلك المناهج أفسدت عقول بعض الشباب فاستبدلوا بالمنهج السلفي الحق منهج أهل السنة والجماعة اعتاضوا عنه منهجا حركيا سياسيا ثوريا فاستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلا وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف بل تنكروا لأقرب الناس إليهم من الآباء المشفقين والأساتذة المربين والولاة المحسنين فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة، يقول الشيخ أبو مالك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا من أجل الدعوة إلى الحزب والجماعة، كل هذا من أجل الدعوة إلى الحزب والجماعة. Et Cheikh Najmi de nous dire, ce pays, en parlant de l'Arabie Saoudite, était du nord au sud, de l'est à l'ouest, sous le gouvernorat de Al Saoud, sur la voie des puzzles d'Allah alayhim, que ce soit les gouverneurs ou les gouvernés, que ce soit les émirs ou les autres, les juges et autres, que ce soit le peuple ou ceux qui les dirigent, hommes et femmes. Petits et grands, ils étaient sur la voie du puiseur d'Allah. Allez, avec, il n'y a aucun domaine qui est parfait. Il n'y a aucune œuvre qui est parfaite sauf l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, les hommes de science le reconnaissent. Mais l'Arabie Saoudite, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul pays qui est un modèle qui va avec la législation d'Allah Azza wa Jal, avec la lacune qu'il y a. Parce que, ne peut être parfait que l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, les hommes de science le citent clairement, et le disent clairement. Et il dit, nous étions sur cette voie-là, et le pays était sur cette bonne voie, jusqu'à ce qu'il est arrivé, s'y introduit chez nous, des nouvelles voies qui ont détruit les cerveaux de certains jeunes, et qui ont détourné certains jeunes, qui ont changé la voie de la vérité. La voix du puzzle, la voix des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, ils l'ont troqué contre les voix de l'activisme. Harakiya. Bouge. Les voix politiques, les voix de la révolution. Et tout ceci, mal sur mal. Et ils ont troqué la sunna contre l'innovation et le vrai contre le faux. Et ils se sont opposés à tout homme qui ordonne le bien, à tout homme de vertu, c'est-à-dire aux hommes de science, et aux gens de bien chez eux. Même des fois, ils se sont opposés aux personnes les plus proches à eux, que ce soit leurs parents, que ce soit même leurs profs, comme l'histoire va arriver à ce qui est arrivé à Cheikh Najmi avec certains jeunes qui ont été, auxquels on a injecté le venin d'El Ikhwan, et qui étaient ses étudiants. Et donc, ils se sont opposés à ces gens-là. Ils ont commencé à dire n'importe quoi et à prendre n'importe quoi. Et Cheikh, il dit, nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah. Et c'est vrai, cette parole. Nous sommes pour Allah et nous revenons vers Allah, Azza wa Jal, parce que c'est une catastrophe. Et Cheikh Abu Malik de dire, oui, il n'y a de puissance et rien ne bouge qu'à que ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, fait bouger. Et il dit, tout ça, ils le font pour, soi-disant, Dawa. Mais pour Dawa où? Pour Dawa pour le parti et pour leur groupe. Fa يقول الشيخ أبو مالك صحيح يجب أن نقول في هذا الموضوع فإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الشباب السعودي خاصة وشباب المسلمين عامة تنكبوا منهج السلف وانقلبوا على علماء بلدانهم وأصبحوا حربا عليهم وعلى المنهج السلفي وينفرون عن دروسهم وعن منهجهم وعليك السلام ورحمة الله. وإذا كان هذا في المملكة بلاد التوحيد والسنة التي تعد أكبر البلدان الإسلامية علماء فما بالنا ونحن في ديار الكفر؟ ما بالكم بنا نحن؟ donc c'est un commentaire de Cheikh Abou Malik qui dit c'est vrai que Il faut dire à ce sujet-là, et surtout en entendant ça après ce paragraphe, que nous sommes pour Allah et nous revenons pour Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Beaucoup de jeunes, hein, musulmans en général et saoudiens en particulier, ont dévié de la voie de leurs plus aïeuls et se sont retournés contre leurs savants, et contre leurs gouverneurs, et contre les savants de leur pays. Et ils sont devenus une arme de guerre contre leurs savants et contre leurs gouverneurs. Ils sont devenus une arme de guerre contre la voie du puiseur d'Allah Alim. Et ils font éloigner les gens, ils font détester aux jeunes les assises des hommes de science, hein, et la voie du puiseur d'Allah Alim. Et c'est ça, c'est arrivé en Arabie Saoudite, le pays du monothéisme et de la sunna, hein, ou le pays sur terre où il y a le plus grand nombre de savants au mètre carré. Mais nous, ici dans le pays de mes créances, où à 1000 mètres carrés tu ne trouves pas un savant, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Comment ce mal est entré, il a grignoté les jeunes ici, hein? Là-bas, avec les avertissements et l'éducation qui est faite, etc., regarde qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il en est de nous, qui ne recevons aucune éducation, aucun enseignement, nous n'avons aucune immunité contre ce genre d'idées. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Regardez nos jeunes, comment ils sont. Hein? Qui ils défendent? Et ils te parlent avec les sentiments. Et moi, il y a un frère dans la région ici. Il m'a raconté un truc. Cet été, je les ai rencontrés à la Mecque. Et un jeune était avec eux. Les jeunes lui ont parlé de Cheikh Rabia, comment ils sont à la Mecque, etc. Et d'ici, je le vois, je le crache dessus. Un jeune qui est parti d'ici. Je lui crache dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne sait même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne sait pas, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on lui a injecté le venin. Comme celui qui arrache les... Pourquoi il arrache les affiches d'Al-Furqan? Parce qu'on l'a bourré. On lui a fait du lavage de cerveau. On lui a dit n'importe quoi. Et lui, ce qu'il dit, le gobe. Il voit Ada Abou Lhia, il a le Kamis, hein? Il est un beau parleur, il dit qu'à Allah, qu'à la Rasoul, ben il est tombé dans son filet. Alaysa alladhina inqalabu min abna'i bila'id at-tawhid wal-'ilm, limadha yuharibuna ahl al-'ilm wa ahl al-manhaj al-haq? Hadha sababuhu khilaf al-manhaj. Law baqiya al-manhaj wahidan lama waqa'a hadha al-khilaf. Wa kayfa dakhalat hadhihi al-manahij ila al-mamlaka al-'arabiyya? فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها للمتثقفين من المضطهدين من جماعة الإخوان المفلسين مضطهدين من قبال جمال عبد الناصر ورحبت بهم وشكروها ببت مناهجهم المنحرفة في أوساط الشباب السلفي فهذه المناهج أفسدت وفرقت شباب بلاد التوحيد وسائر بلاد المسلمين وأصبح بعضهم حربا على البعض ولو أنهم بقوا على منهاج واحد وعقيدة واحدة لما صاروا إلى هذه الصراعات. Non. Ceux qui se sont révoltés contre leurs savants parmi les jeunes de l'Arabie Saoudite, les jeunes, le pays de la science et du monothéisme, où il y a des hommes de science qui défendent la voie du puiseur d'Allah Alay. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont pris une autre voie que la voie. Parce qu'il y a une autre voie qui est arrivée, d'autres voies qui se sont immiscées dans ce pays. Mais comment ces voies se sont immiscées dans ce pays? C'est très simple. L'Arabie Saoudite était généreuse. Il avait le souci des musulmans qui sont maltraités à travers le monde, et surtout les intellectuels parmi eux. Et comme Jamal Abd Nasser maltraitait les frères musulmans, les profs parmi eux, etc., ben l'Arabie Saoudite leur a ouvert les bras. Venez. Il leur a donné des postes. Pour la remercier, ils lui ont fait un enfant dans le dos. Ils ont injecté le venin d'Yala, les Khouaniens, dans la jeunesse. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont remercié ce pays qui les a accueillis et qui les a sortis de la tyrannie de Jamal Abdel Nasser, et de ce qu'ils souffraient, et de ce qu'ils subissaient. Hein? C'est comme ça qu'ils l'ont remercié. Ont inculquons aux jeunes salafis leur mauvaise voie. Et ces voies, dit le Tabligh ou dit les frères musulmans, il a fait du mal partout. Il a divisé la jeunesse, il a divisé les musulmans à travers le monde entier. Pas tout simplement le pays du monothéisme, mais à travers le monde entier. Et certains parmi eux sont devenus une arme de guerre contre la sunna et contre les gens de la sunna. Mais si, par exemple, prenons l'exemple de l'Arabie Saoudite, la voie était restée une, est-ce qu'il va y avoir cette guerre chez eux? Il va y avoir ces luttes entre la jeunesse? Il n'y aura pas. Parce qu'ils seraient restés sur la voie d'El Salaf. Et regarde maintenant ici. Regarde autour de toi en Europe. À part quelques mosquées que tu peux compter sur le doigt de la main, où est-ce qu'on laissera un salafi donner un cours? Il passe ce Jumu'ah, les autres Jumu'ah. C'est pas une peau de banane qu'on va mettre, c'est un champ de peau de banane. C'est pas une peau. Non, non, ça suffit pas. Les Qutbis vont mettre leurs grains, les Tkfiri, la même chose, les Tablir, les Hizb Tahrir, les tout le monde. Et chacun, Hada, il va venir, il va leur dire, c'est un Sofi, c'est un Wahhabi. C'est quoi un Sofi? Bon, je sais pas. C'est quoi un Wahhabi? Oh, je sais pas. Il parlait pour parler. Beaucoup, parle que juste pour parler, pour faire du mal. Et pour être une pierre sur le chemin du bien. Hein? سؤال موجه لهؤلاء الشباب الذين يقومون ضد الدعوة السلفية هنا وهناك في أي مكان لماذا تحاربون المنهج السلفي dans la question qui s'oppose ici là-bas et partout pourquoi vous combattez la voie du puiseur de Allah لماذا تنفرون من طلبة العلم والدعاة السلفيين لماذا تنفرون من الشيخ ربيع لماذا تنفرون من الشيخ الفوزان لماذا تنفرون من الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى لماذا تنفرون من دروس الشيخ ناصر رحمة الله عليه وجوابهم ليس عندهم وجوابهم هل هذا الشيخ عنده بدعة أو عنده شيء مخالف لكتاب الله ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكون الجواب غالبا لا أدري أنه عنده بدعة هل هو منحرف في المنهج والعلم أو عنده سلوك منحرف طبعا إجابتهم في كثير من الأخير يقول لك لا أدري إذن فلماذا تحاربه ماذا تعرف عنه لماذا أنت في شقاق معه يقول لك إنه يتكلم في الجماعات ويتكلم في العلماء Non, la question qui se pose, pourquoi vous faites la guerre à la voix du puiseur d'Allah Ali? Ici, là-bas, ailleurs, partout. Pourquoi vous empêchez les jeunes d'aller assister à une assise de science d'un homme de la voix du puiseur d'Allah Ali ou d'un da'i d'Yel Salafia? Pourquoi vous dites tourner les jeunes de tel cheikh ou de tel cheikh? Pourquoi vous dites aux jeunes de ne pas écouter Cheikh Rabi' de ne pas lire les livres d'El Cheikh Rabi'? Pourquoi vous leur dites de ne pas écouter Cheikh Al-Fawzan, ni Cheikh Najmi, ni Cheikh Nasser, ni Cheikh Ibn Baz, etc. Pourquoi? Hein? Est-ce que ces cheikhs propagent l'innovation? Est-ce qu'ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur comportement? Hein? Souvent, la réponse, je ne sais pas. Mais pourquoi tu lui fais la guerre? Parce que il a parlé sur tel shir, parce qu'il parle sur les frères musulmans, parce qu'il parle sur Tablir, parce qu'il se parle sur tel shir. Et voilà. Mais il y a des jama'at qui se parlent de ce shir. Je dis jama'at Tablir, jama'at l'Ikhwan, l'Yassiniyin, jama'at Kfir wal Hijra, jama'at Kada, ou le sual. هنا سؤال هل هذه الجماعات على السنة ومنها السلف هذه الأمة هل هي على السنة ومنها السلف هذه الأمة فيجيبك لا أدري وأنت لا تدري Et quand il lui demande c'est qui ce groupe sur qui parle ce cheikh, il te dit il te parle sur Jama'at Tabligh, il parle sur l'Ikhwa al-Muflisun, il parle sur l'Yassinite, il parle sur Jama'at Takfir, il parle sur Hizb Tahrir, il parle. Et la question maintenant, ces groupes, toi le jeune, qui demande aux autres jeunes de ne pas écouter Cheikh Rabi ou le Cheikh Najmi ou le tel Cheikh, etc. Est-ce que ces groupes, que critiquent ces hommes de science, sont sur la sunna et la voie de leur puzzle ou pas? Souvent, tu vas te retrouver avec devant quelqu'un qui va te dire « je sais pas ». Eh bien, tu sais pas. Ben, si toi, tu sais pas, lui, il sait. Lui, c'est un savant, il sait. طيب اذا كنتم لا تدرون لماذا تحاربونهم وهم على الحق ومعهم جمع غفير من اهل العلم الذين يوافقونهم فيما ينتقدونه على الافراد والجماعات والكتب المنحرفه الا تحكمون عقولكم من هؤلاء العلماء الذين يتكلموا فيهم قالوا يتكلموا في سلمان ويتكلموا في عائض ويتكلموا في أحمد سلام ويتكلموا في عرعور ويتكلم هل هؤلاء العلماء هل هؤلاء الذين يحذر منهم هذا العالم ليس عندهم شيء؟ أليس عندهم انحراف عن منهج السلف؟ أليس عندهم أخطاء؟ داكور maintenant bon. Si vous ne savez pas pourquoi il fait, pourquoi vous lui faites la guerre alors qu'il est sur la vérité et qu'un certain nombre considérable d'hommes de science sont avec lui, pourquoi vous lui faites la guerre? Alors qu'un nombre considérable d'hommes de science sont avec lui, ils sont du même avec lui, ils sont d'accord avec ce qu'il écrit, avec les critiques qu'il a fait sur les livres, avec les critiques qu'il a fait sur les individus, avec les critiques qu'il a fait sur les voies et les égarements de ces groupes. Pourquoi vous ne faites pas marcher vos cervelles? Pourquoi vous ne raisonnez pas? Maintenant, citez-nous. Sur quel savant il a parlé? Ils te disent, il parle sur Salman, sur Safar, sur Adnan, sur Aïd, sur Salam, sur Shoua, sur... Et la liste est longue. Maintenant, est-ce que ceux-là, sur... qu'il a critiqué, ils n'ont aucune erreur? Est-ce que les critiques qu'ils ont émises ces hommes de science ne sont pas fondées? Est-ce qu'ils n'ont pas une certaine déviation de la voie de leur cuiseur d'Allah alayhim? Est-ce qu'ils n'ont pas d'erreur? Non. Qu'allahu mudkuru lana antum. Ma yaqulu fihim. Mada yaqulu fihim. Mada yaqulu fi haula. بماذا ينتقدهم؟ ماذا يقول فيهم؟ هذا الذي أنتم تحاربونه وتنفرون منه لأنه يتكلم في الداعية الفلاني أو في الكتاب الفلاني أو في الكاتب الفلاني، هل تسمحوا لنا أن تذكروا لنا شيئا من كلامه؟ والجواب والله لا ندري. والله لا تدري؟ لا ندري ما يقول، ولكنه يتكلم فيهم وأنت كيف؟ كيفاش يتكلم فيهم انت ما تعرف؟ Maintenant nous voulons savoir. Citez-nous ce qu'il dit sur ces hommes. Y'a que vous dites qu'il parle sur cela. Citez-nous ses paroles. Cet homme à qui vous faites la guerre, ou ces hommes de science auxquels vous faites la guerre, qu'est-ce qu'ils disent sur cela? Citez-nous. Vous avertissez de ces assises et vous dites aux jeunes de ne pas assister à ces cours parce qu'ils parlent sur tel et tel. Dites-nous ce qu'il a dit sur tel. Souvent la réponse. Voilà, je ne sais pas. Eh bien, si tu ne sais pas, pourquoi tu... Qu'est-ce qui te pousse à agir ainsi puisque tu ne sais pas ce qu'il dit sur ces hommes-là? Tu ne sais pas. Où est ta raison dans ces cas-là? C'est quoi ton motif? Tu sais pas. Tu n'as pas de raison pour le faire. Pourquoi tu le fais? وهذا يدل على شيء يقول الشيخ ابو مالك انما يدل على ان هؤلاء الشباب مسيرون تسييرا يعني يتحكم فيهم كما يتحكم في جهاز التلفاز تيليكوموند. ها، تفتح الجهاز، تغلق الجهاز، ترفع الصوت، تخفض، تكثر من الضوء، تقلل الضوء من بعيد. فهذا حال الشباب مع الأسف، أفسدت هذه الحزبيات عقولهم. إذا الشيخ دودير، الشيخ أبو مالك حفظه الله تعالى، يقول ça si ça prouve quelque chose, ça prouve que ces gens-là, ils sont télécommandés de loin, comme la télé. Avec la télécommande, tu augmentes le son, tu baisses le son. Plus de lumière, moins de lumière, plus sombre, plus clair, et ainsi de suite. Tu éteins. C'est ce qui est arrivé à ces jeunes. Hein? Le fait d'être adepte du parti, ça anéantit leur raison et leur réflexion. Ils ne pensent plus. C'est les directifs du l'émir du quartier. Les directifs de... Hein? القيادة العليا، le haut commandement de الجماعة، c'est tout. إذا قيل لهم حاربوا الداعية الفلاني أو الشيخ الفلاني حاربوه، إذا قيل لهم قاطعوا الدرس الفلاني قاطعوه. ولعل قائلا يقول كيف هذا؟ أنا أقول لك كيف هذا. كنت لغدي faites la guerre à tel savant, ils le font. N'allez pas au cours de tel savant, ils le font. Vous êtes quelqu'un qui te demande? Non, c'est pas possible. Écoute, savoir que c'est possible. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalati wassalami ala Rasulil Amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hadarat al-akh al-fadil. محمد عبد حسن حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه على ضوء الجلسة التي عقدت بين الهيئة الإدارية لشعبة الزرقاء من جهة، وبينك من جهة أخرى، وما دار فيها من نقاش حول ما قمت به بالنسبة لدعوة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لمدينة الزرقاء، ودعوة الناس للاستماع إليه، رغم علمك بأن هذا مخالف لأوامر الجماعة التي أعطيت لها البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وإن خالف رأيك الشخصي. ثم إنك طلبت من الهيئة الإدارية بعد أن وضحت لك معنى الولاء والطاعة لقيادة الإخوان المفلسين، وأنه لا يجوز لك أن ترتبط بأكثر من جهة بالنسبة لإعطاء الولاء، ثم إنك بعد هذا النقاش الطويل أظهرت بلسان حالك أنك لا تستطيع قطع علاقتك بالشيخ ناصر مهما كان الأمر، ثم إنك طلبت من الهيئة الإدارية في جلستها بتاريخ 29 في شهر 5 سنة 1395 للهجرة، وفق 8/6 سنة 1985 للهجرة، إمهالك لمدة غير محدودة من الزمن للتفكير بين التزام أوامر قيادة الإخوان المسلمين والعمل معها فحسب، وبين اتباع الشيخ ناصر والعمل معه. فعلى إثر طلبك هذا، فإنني أود أن أبلغك قرار الهيئة الإدارية لشعبة الزرقاء بالموافقة على طلبك، وبناء عليه فأنت في نظر الهيئة خلال هذه المدة فاقد لعضويتك في جماعة الإخوان المفلسين حتى يفتح الله عليك، وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى، وترجع لتعلن ولاءك لقيادة هذه الجماعة من جديد، وعندها تعود لك العضوية إن شاء الله. ودي ما ندنو إلا تخدو كلكا يكل إخوان المسلمين فهو ما تخدو كوتي ونلسي ها كما le chameau qu'on délaisse parce qu'il a la gale. Il lui envoie une lettre, la direction de la ville d'El Zarqa lui envoie une lettre, et la personne s'appelle Mohamed Abdou Hassan, il a fait la légende sur Ikhwan al-Muslimin. Il lui a dit, selon, à la lumière de l'assise, hein, à laquelle tu as assisté avec la direction de la section de Zarqa, qui t'a réuni avec les membres de la direction, et le débat qu'il y a eu entre la direction et toi, à cause du fait que tu aies invité Cheikh Nasser Dil Albani chez toi, rahmatullahi alayh, et il a bien fait de l'avoir invité, et que tu as invité les gens à écouter Cheikh Nasser, alors que tu savais que ceci est contraire aux ordres du groupe auquel tu as donné allégeance. Tu as donné allégeance à écouter, à obéir, dans les anses et dans les difficultés, même si c'est contradictoire à ton opinion personnelle. Vous savez jusqu'où ça va? On te guide. C'est comme ça que tu dois être épanoui. Moi, j'ai envie d'inviter Cheikh Nasser, d'inviter Cheikh Ben Baz, ou d'inviter Cheikh Najmi chez moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ma vie personnelle. Subhanallah. Hein? Non, tu n'invites pas. Parce que la direction a dit qu'il ne faut pas l'inviter. Parce que le groupe, les Ikhwan Muslimin, ont décrété de faire la guerre à Cheikh Nasser et à la da'wah de Cheikh Nasser et à tous ceux qui sont sur la même voie que Cheikh Nasser. Même si ceci est contraire à ton opinion, tu dois obéir parce que tu as fait au lui allégeance. Et Allah. Thomas, tu as demandé au comité administratif de t'éclairer sur ce que ça veut dire le wala, l'alliance et l'obéissance aux directives du commandement d'El Ikhwan. Et qu'il ne t'est pas permis d'avoir plusieurs relations au niveau de ton alliance. C'est-à-dire que tu ne peux pas être Ikhwan et t'allier au Ikhwan et en même temps suivre Cheikh Nasser. Là, il faut que tu suives Saïd Houa, il faut que tu suives Saïd Qutb, il faut que tu suives Mohamed Qutb, qui sont de la même lignée, qui sont sur la même ligne qu'eux. Hein? Et ils lui ont dit, après le débat qui a duré longtemps, et comme on a vu dans ta situation, que tu ne peux pas couper ta relation avec Cheikh Nasser. Et il avait raison. Pourquoi la couper avec Cheikh Nasser? Muhaddith, hein? L'homme du hadith de notre siècle. Et tu as demandé à la direction, lors de cette réunion qui a eu lieu en 1395, durant le mois, le cinquième mois de l'Hégire, 1385, le 29 du mois, qui correspond au 7 6 de l'année 1985, de te donner un laps de temps pour réfléchir entre le fait d'obéir aux directives d'El Ikhwan ou là, hein, et d'œuvrer avec eux dans le sens, hein, ou alors de suivre Cheikh Nasser rahmatullah alayh et de rester avec Cheikh Nasser. Et la direction a accepté ta demande. Et donc, partant de là, tu n'es plus membre, pendant ce laps de temps, tu n'es plus membre de l'Ikhwan Muslimi. Et malheureusement, tout ceci, il est écrit de leurs mains et il y a les manuscrits à la fin. C'est écrit et signé par la direction. Ici, « Anil hay'ati l'idariyati l'ishu'bati l'zarqa, na'ibu shu'ba, dhib, anis ». Hein? C'est malheureusement, c'est signé et c'est archivé avec leur écriture. Et signé ici, hein, le représentant, le remplaçant du représentant de la section, Dib Anis, la section de Zarqa en Jordanie. On verra d'autres après. D'autres où ils vont l'éjecter directement d'autres. C'est pas ils vont leur parler, là on te donne la laps de temps, là ils vont l'éjecter directement du groupe. Je ne fais plus partie du groupe. Banni du groupe. Plus personne ne lui parle. Fa. Limada. Limada, idha qila lakum la tadhhabu li fulan. La tadhhabu. Limada. Mada indakum. Illa ashiya antum la tuhsinunaha wa la tfahamunaha. Ya shabab. Aina uqulukum. ألا تريدون أن تكونوا من أهل السنة أتباع السلف الصالح أتباع الأثر السنة يا شباب تحرر العقول وتنير البصائر أين بصائركم وعقولكم لماذا تحاربون الشيخ النجمي حفظه الله؟ لماذا تحاربون الشيخ ربيع ومن على شاكلتهم؟ لماذا تحاربون الشيخ العبيكان؟ لماذا تحاربون الشيخ عبد الملك رمضاني؟ لماذا تحاربون الشيخ عبيد حفظهم الله جميعا؟ لماذا تنفرون من دروسهم وتنفرون من تلامذتهم؟ هذا كله لأنه يتحكم فيكم بالتليكوموند كالجهاز. Ô jeunes maintenant, où sont parties vos raisons? Vous ne voulez pas être parmi les gens de la sunna et les gens qui suivent la preuve et qui suivent leur puiseur d'Allah alayhim. La sunna libère les esprits. La sunna donne de la clairvoyance à la personne. Où il est? Où sont vos raisons? Pourquoi vous faites la guerre à Cheikh Najmi? Pourquoi vous faites la guerre à Cheikh Fawzan? Pourquoi vous faites la guerre à Cheikh Rabih? Pourquoi vous faites la guerre à Cheikh Abdelmalik Ramadani? Pourquoi vous faites la guerre à Cheikh Obey? Et la liste est longue. Pourquoi vous faites la guerre à Cheikh Al-Ubaykan? Et la liste est longue. Pourquoi vous détournez les jeunes des cours des élèves de ces machaïkh hafidhahum Allah ta'ala? Tout ceci vous le faites parce que vous êtes télécommandé. On vous commande de loin. On vous dit n'allez pas chez tel, vous n'y allez pas. On vous dit n'assistez pas au cours de tel, vous n'y assistez pas. فلماذا أنتم تحذرونني وغيري؟ أنا ذهب إلى درس الشيخ ربيع ولا نسمع للشيخ ربيع ونقرأ كتب الشيخ ربيع وأنصت إلى أشرطة الشيخ ربيع أو الشيخ النجمي أو الشيخ عبيد حفظهم الله تعالى. الجواب: يتكلم في الناس، يتكلم في العلماء والدعاة. ماذا يقول؟ والله لا ندري، ولكنه يتكلم. أنتم الآن تحت التأثير، تأثير تيليكوموند، متحكم في عقولكم، متحكم في تفكيركم. Pourquoi vous m'avertissez maintenant dans le fait d'écouter Cheikh Rabih ou là de rentrer dans le site de Cheikh Rabih ou là de Cheikh Ubaid ou là de Cheikh Al-Ubaykan ou d'autres machaires? Pourquoi vous m'interdisez et vous m'avertissez contre leurs cours et contre le cours de leurs élèves? Pourquoi vous m'interdisez et vous m'avertissez contre les livres d'Yel Cheikh Najmi et d'Yel Cheikh Rabih? La réponse: il parle sur les gens. Il parle sur les savants. Il parle sur les prêcheurs. Qu'est-ce qu'il dit? Wallah, je ne sais pas, mais il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Non, la situation est claire. Vous êtes télécommandé. Hein? On commande vos raisons et votre pensée. Allez là, allez là. Non, allez à droite, allez à gauche, etc. Ala sa'altum, ala bahattum. أليس لكم عقول؟ ألا تأخذون بحكمة العامة؟ العامة يقولون لا تعطي عقلك لغيرك، لا تعطي عقلك لغيرك. يا ليت هؤلاء يأخذون بهذه الحكمة، لأنه إذا أعطيتم عقولكم لغيركم أصبحتم كالبهائم يتحكمون فيكم. اذهب يمين، اذهب شمال، ادفع من راتبك كذا وكذا لصندوق الجماعة. ومع الأسف الشديد كثير من شباب المسلمين إلا من رحم ربك يتحكم فيهم، أصبحوا بدون تفكير ولا عقول. والله إن بعض الشباب الصغار في مشارق الأرض ومغاربها لا يقربون مساجد دعاة المنهج السلفي ولا يعرفون لماذا. Il faut se poser des questions, il faut faire des recherches. Vous avez des raisons, utilisez-les, faites des recherches, prenez cette sagesse chez le commun qui dit ne donnez pas votre raison à quelqu'un d'autre. Il y a une sagesse chez le commun qui dit ne donne pas ta raison à quelqu'un d'autre. Réfléchis toi-même, utilise ta raison. Et c'est les jeunes, prenez cette sagesse de chez le commun, il la mettait en application. Parce que si on donne sa raison à quelqu'un d'autre, on devient comme des animaux dans ces cas-là. Tourne à droite, il tourne. Tourne à gauche, il tourne. Va tout droit, il va. Tombe ici, il tombe. Hein? Donne telle somme de ton salaire, il la donne. Combien? Chez les Yassinés, chez les frères, etc. Donne telle somme. Un des convertis, il y a quelques années en arrière, il venait de se convertir. Il m'a dit, Hassan, on m'a demandé, pour me faciliter ma zakat, de faire un prêt. Les frères musulmans de France, du nord de la France, m'ont demandé, pour faciliter ma zakat, de me faire un prélèvement tous les mois sur mon salaire. Depuis quand la zakat se prélève tous les mois? L'autre dans le sud avec les Yassinites, il est un petit peu partout. Celui-là, il gagne combien? Il faut qu'il donne tant. Il y a même certains frères, tellement ils ont peur qu'on leur prenne leur argent, Msaken. Quand ils rencontrent des frères, ne dites pas aux frères du groupe que je travaille. La taxe. Taxé. Ce que je te dis, c'est du véridique que j'ai vécu cet été à Montpellier. Je sais de quoi je parle. Tu payes. Comme ça. Raquette. C'est de la raquette. Subhanallah. Pour la caisse du groupe. Qu'est-ce qu'ils font avec Allah Ta'ala alim? L'anachide, les soirées, les théâtres, les voyages mixtes, les soirées sur la plage avec les Mouchoui, il va voir ce qui se passe là-dedans. Hein? Et les jeunes de Montpellier, ils m'en ont raconté de belles. Allahu musta'an. Pas de problème de regarder le film de Rambo, et pas de problème, même si le lendemain matin, on prie le Fajr à 10h du matin, c'est pas un problème. Malheureusement, avec grand regret, beaucoup de jeunes musulmans, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde, on les commande. Ils sont devenus sans raison. Et certains jeunes, à travers la planète, à l'est et à l'ouest, ne se rapprochent pas des mosquées, des du'ads, des salafia, parce que on leur dit, ils ne savent pas pourquoi, ne va pas dans cet endroit-là. Ne passe même pas dans la rue. Passe pas dans la rue où il y a le centre Al-Furqan là-bas. Hein. Fais attention. Tu vas te faire arrêter. Hein? Daron, dis à ton fils de ne pas passer là-bas. Là, j'ai vu qu'il y a une voiture, hein, des civils qui tournent là-bas. Fais attention à ton fils. Hein, parce que le daron, il met de ses ceci. Et voit la guerre entre le père et son fils, Mskin. وإذا سألتهم هل هذا المسجد وهذا المركز مسجد رافضة ومركز رافضة أجابك لا ولماذا لا تدخله فمن هنا أنه يتحكم فيه من بعيد quand tu lui poses la question est-ce que cette mosquée ou là ce centre c'est un centre ديال رافضة tu dis non mais pourquoi tu y rentres pas là tu comprends que on le commande de loin. On a accaparé son esprit, on le dirige comme on veut. لو كنتم إخوتي تتحركون بعقولكم وفكركم ما فعلتم هذا. لو كانت عندكم حرية التفكير ولو كانت لديكم بصيرة ونظر لبحثتم في أنفسكم وسألتم. لكن مع الأسف الشديد الحزبية والتعصب للجماعة وأفكار الجماعة ومبادئ الجماعة ومفكر الجماعة ومؤسس الجماعة قد ألغى عقولكم أخذوا عقولكم وتركوهم أخذوا عقولهم وتركوهم كالبهائم تمشي كالأعمى أو كالرجل الآلي يتحرك بالجهاز أترضون أن تكونوا آليين؟ يوجد إنسان على الأرض يرضى أن يكون آليا يتحكم فيه غيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء وبعث ليحرر العقول لينور البصائر كيف يرضى الإنسان أن يكون أعمى يتحكم فيه غيره نعم يجب أن يقيد الإنسان بالسنة وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام donc ces jeunes faisaient travailler leur ménage et leur raison et leur pensée s'ils méditent sur les situations ils n'auraient pas agi ainsi. mais ils n'ont plus de liberté de penser et d'agir. Ils n'ont plus de croyance, ils ne regardent plus, ils ne méditent plus sur la situation, ils ne réfléchissent plus. Ils ne se posent même plus de questions sur eux-mêmes. Parce que le sectarisme, le fait d'être adepte du groupe, et les principes fondamentaux de ce groupe, et l'attachement aux personnes, parce qu'on éduque les gens à être attachés à des personnes. On ne les éduque pas à s'attacher à Allah et au messager et à la voix d'Allah et au messager d'Allah, Azzawajal, et à la voix. On les éduque à s'attacher à telle personne et à telle personne et à telle personne. Donc tout ceci fait que leur cerveau et leur raison aient été mis de côté. Hein? Ils ont pris leur raison. Ils les ont laissés comme les bêtes. Ils marchent comme les aveugles. Ou comme l'homme, comme le robot. Qui le commandait? Yeah. Ainsi. Est-ce qu'un être humain, si un être humain d'être un robot, qu'il se laisse commander, ça ne suit pas un être humain, encore moins un musulman, un soumis à Allah, Azzawajal, parce que notre prophète est venu pour libérer les gens, libérer l'esprit des gens, et pour éclairer, donner de la clairvoyance aux gens. La sunna donne de la clairvoyance, il donne de la sagesse. Comment la personne accepte d'être aveugle? Comment il accepte qu'on le commande? Oui, il faut se conditionner, mais pour Allah, et dans la sunna, et dans la voie du puiseur d'Allah, là, il n'y a pas de problème. Tu te conditionnes, tu es soumis à Allah, et tu es conditionné par la sunna de ton prophète, alayhi salam, et par la voix du tupuzer d'Allah, alayhi. Mais pas par les paroles de tel et tel. Pas par les directives et les principes fondamentaux de telle partie, etc. Là, pour Allah, et selon la sunna de ton prophète, alayhi salam, et la voix du tupuzer d'Allah. Wallahi, wa billahi wa tallahi, inna al-manhaj al-salafi, wa al-manhaj al-wahid, alladhi yuharriru ashabahu, wa yaj'aluhum tabi'ina lid-dalili wal-burhan. أما هذه المناهج المخالفة لمنهج السلف فإنها تفسد البصائر والعقول ويصبح الرجل فيها كالأعمى يمشي بدون بصيرة ولا هدى ولا كتاب ولا سنة. Par Allah, la voix de nos puiseurs doit Allah alim, c'est la seule voie et la voie unique qui libère les personnes et qui font que les personnes suivent la preuve. La parole d'Allah, Azzawajal, l'authentique de la sunna du prophète, la compréhension du puiseur d'Allah, quant à toutes ces voix qui sont en divergence avec la parole d'Allah et avec l'authentique de la sunna du prophète, et la voix du puiseur d'Allah, là, il brouille la clairvoyance de la personne. Il couvre, comme le khimar, couvre la tête, il couvre la cervelle de la personne. Et l'être humain devient aveugle. Il marche sans clairvoyance. Hein? Sans être guidé par le livre d'Allah, ni l'authentique de la sunna. Ce qui le guide, le morshid a dit, l'émir a dit, le sheikh a dit, ainsi de suite. Et à travers la planète, quand tu entends les discussions parmi les petits jeunes salafis, oui, fais ça comme ça, le prophète l'a fait comme ça. La preuve est ça. Et il ouvre donc le chapitre tel quel de Sahih al-Bukhari. Alors quand tu te retrouves avec des jeunes d'un certain âge, le groupe dit les frères, ou dit Hada, tu entends. Younes, par exemple, pour les Français, ceux qui sont de France. Younes a dit, pour les Belges, Mustafa Nuhadi, hein, pour te blire. Après, pour la voix de l'Ikhwan, Kouissen a dit, Tariq Ramadan a dit, hein, et ainsi de suite. Sans preuve, sans rien. Sans preuve, sans rien. Her Hada, il a dit, celui-là, il a dit, il est là. Il a écrit ça, il a écrit ça. Salafiyun fi anha il ard. Yattabi'una al-dalila wal-burhan bi fahmi salafi hadhihi al-umma. أما غيرهم فهم تبع للحزب والقادة والرؤساء والرموز، تربية صوفية محضة. الصوفية يوصون أتباعهم بأن يكونوا مع الشيخ كالميت مع مغسليه. انظر أصل هذه التربية السيئة. Les salafis, à travers le monde entier, ceux qui ont compris la voie de leur puiseur, mais qui se cramponnent à cette voie, ne suivent que la preuve, avec la compréhension du puiseur. Ils ne prennent même pas l'indépendance dans la compréhension. Hein? Quant aux autres, ils ne suivent que leur parti. Ils ne suivent que les directives des commandants du parti. Et les têtes, et les emblèmes, et les têtes d'affiche. Ils ont plein de têtes d'affiche. Hein? Dit qu'une tête, hein, il y a une offre qui arrive. Ils les préparent. Vous voyez qu'ils ont une école secrète où ils les forment. Pour hein, la magie dans le langage, dans le style. Et, hein? Donc, une éducation soufite. Qui reçoivent les disciples et les adeptes de ce genre de parti et de ces groupes. Sans qu'ils leur déclarent que ça c'est une éducation soufie. Ils conseillent à leurs disciples, soit directement, soit avec des insinuations, d'être avec leur chir comme le mort avec ceux qui le lavent. Imagine le mort avec ceux qui le lavent. Qui le commande? C'est le laveur qui va le commander. Il le lève de droite, il le lève de gauche, il le tourne, il l'aide. Mais la même chose. Hein? Ça, c'est l'éducation. Regarde cette mauvaise éducation qu'ils reçoivent. Hein? Être entre les mains de ton éducateur, de ton chir, de la tête de ton parti ou de l'émir de ton quartier, comme le mort. فالمغسل يقلب الميت ذات اليمين وذات الشمال أرضى حر أرضى عاقل أن يكون كذلك والله إن البهيمة لا ترضى بذلك البهيمة أحيانا تستعصي عليك ولا ترضى أن تأمرها تريد أن تمر إلى الأمام فتذهب إلى اليسار تريد على اليمين فتذهب إلى اليسار le laveur du mort il le tourne à droite et à gauche. Est-ce que maintenant, quelqu'un qui est de raison accepte d'être ainsi? Même l'animal, il ne l'accepte pas. Des fois, tu es sur une monture, sur un cheval, ou là, sur un mulet, sur un âne, et tu veux qu'il avance devant, et maintenant, il va à droite. Il n'accepte pas ton ordre. Ou là, il va à gauche. Il n'accepte pas ton ordre. Ou là, il s'arrête. Garde, tu veux qu'il avance, il s'arrête. Tu lui dis d'arrêter, il ne veut pas s'arrêter. Il marche. Et Allah. L'animal ne l'accepte pas. أترضى أن يتحكموا فيك وأن يقلبوك كما يشاءون ذات اليمين وذات الشمال إذا قالوا لا تصلي في مسجد حيكم أو لا تصلي في مسجد ابن باز أو مسجد فلان ولا تقرب هذا المسجد ولا تسمع لإمامه لأنه سيسحرك بكلامه Tu acceptes maintenant qu'on te commande et on te dirige à droite et à gauche quand ils te disent ne prie pas dans la mosquée de ton quartier. Ou là, tu vas en Arabie Saoudite pour faire ton... Ne va pas à la mosquée de Ibn Baz, parce que pourquoi? Il y a le cours d'Yel Sheikh Zayd, sur Aqidat Abi Zayd al-Qarawani ou autre. Ou là, il y a le cours d'Yel Mufti, ou là, il y a le cours. Ne va pas à la mosquée d'Yel Faqih, parce que là-bas, il y a Sheikh al-Fawzan, qui fait Kitab Tawhid, et ainsi de suite. Là, ne va pas là, ne va pas là, ne va pas là, n'assiste pas au cours de celui-là, etc. Alors que tu vas dans la terre où il y a le plus de savants, et au moins ils te remplissent tellement de... Ne va pas chercher lui-même. Je vais où? Hein? On était là, on veillait sur les films, et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Ils restent sur la terrasse à midiser, et à parler sur n'importe quoi. Alors qu'ils ont une assise du Cheikh Luhidan, ils ont une assise par-ci de Cheikh Obeid, ils ont une assise par-là de Cheikh Abdelmohsin Labbad, ils peuvent aller chez le Machaïr, chez eux, non. Alors rien. On les a blindés, on les a ramés des œillets. C'est pour que le cheval ne voit ni à droite ni à gauche. Les œillères. Les œillères. Barakallahu fi. Hein? Et ceci est grave. Tu arrives dans le haram et tu ne vas pas au cours d'Il Cheikh Abdel Mohsin Abbad. Tu ne vas pas au cours d'Il Cheikh Abdel Razak. Tu ne vas pas au cours d'Il Cheikh Salah Sahimi. Subhanallah. Regardez à tel point on est arrivé. Hein? Pourquoi? Parce que il a une parole douce, il va t'accaparer. C'est tout. Hein? C'est ce qu'ils disent, ils prétendent. نعم هكذا كانت العرب أيام الجاهلية هكذا كانت العرب أيام الجاهلية يوصون الشباب لا تسمعوا لفتى قريش يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه سيسحركم بكلامه وهكذا اليوم فإنهم يوصون الشباب بأن لا يسمعوا للعلماء وطلابهم السلفيين وأن لا يقرأوا كتبهم وأن لا يسمعوا أشرطتهم وأن لا يدخلوا مواقعهم على الشبكة سخت ainsi étaient les Arabes avant l'islam à l'époque de la jahiliya. Ils conseillaient, ils ordonnaient aux jeunes de ne pas écouter le jeune de Quraysh. Qui c'est le jeune de Quraysh? Le prophète عليه الصلاة والسلام. N'écoutez pas le jeune de Quraysh car il va, la magie de sa parole va vous accaparer. Il va prendre votre cœur. Aujourd'hui, ils ordonnent à leurs jeunes, n'écoutez pas tel savant, n'écoutez pas tel demandeur de science, n'écoutez pas tel salafi, tel da'i, le manhaj salafi, ne l'écoutez pas. Ne lisez pas tel livre, ne lisez pas les livres de tel et de tel et de tel. N'écoutez pas leurs cassettes, leurs cours, ne rentrez pas dans leur site. Hein? La soirée d'hier, la soirée d'aujourd'hui est semblable à celle d'hier. Ce ne sont que les mots qui changent et les individus. Hein? Mais la situation est la même. On te détourne de la vérité. On t'éloigne de la vérité, directement ou indirectement. Faya waylaka idaktashafu أو ظفروا بمثل هذا الكتاب الذي نتدارسه أو كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل الشيخ ربيع أو كتاب مدارك النظر في السياسة الشرعية أو القول البليغ للشيخ توجري حفظه الله تعالى أو تخليص العباد من وحشية أبي القتاد للشيخ عبد المالك رمضاني يا ويلك إذا وجدوا عندك هذه الكتب ويل لك انقلبت عليهم وخالفت حزبيتهم وتحررت وسيحاربونك حربا شديدة كنت مقربا فالآن أنت العدو اللدود لأنك بالقراءة في هذه الكتب ستتحرر وتفهم ما هم عليه وتفهم منهجهم فسترون. Malheur à toi s'il découvre un livre comme celui que nous sommes en train d'étudier entre tes mains. Malheur à toi s'il découvre le livre d'Yal Menhaj al-Anbiya, la voix des prophètes alayhi sallatou salam, dont da'wa, il y a dedans la sagesse et la raison de Cheikh Rabi. Malheur à toi s'il découvre un livre de Cheikh Rabi dans lequel il y a la critique de Sayyid Qutb. Malheur à toi s'il trouve dans tes mains Madarik al-Nadar Cheikh Abdel Malik Ramadani. Malheur à toi s'il trouve dans tes mains le livre dans lequel il y a la critique de Adnan Al-Aur et de Abu al-Qatada de Dada. Malheur à toi s'il trouve ce genre de livre. Ou l'al-Qawl al-Baligh, la parole forte dont Jama'at Tabligh de Cheikh Twijri Hafidhahullah Ta'ala. Malheur à toi s'il trouve. Donc à ce moment-là, tu commences à te libérer. Donc ils vont se retourner contre toi. Ils vont retourner tous les jeunes qui étaient tes copains auparavant. Ils vont te délaisser comme un chameau plein de gale. Ils ne vont plus te parler. C'est fini. S'ils ne te frappent pas, remercie Allah Azza wa Jal. Ils ont frappé beaucoup. Je peux te citer des exemples. Wa'udu billah. Le sectarisme les a amenés à casser la main d'un de nos frères. Tout simplement pourquoi ? Ils faisaient des cours contre Tabligh. Et chaque fois qu'il y avait un avertissement contre l'Ikhwan ou les têtes, les emblèmes de l'Ikhwan. Dans certaines régions de la région parisienne Tablir, ils allaient chercher les jeunes de la rue pour taper les frères qui ont quitté Jamaat Tablir, ou ceux qui avertissent contre. Il y a plein de témoignages comme ça. Et ce qui est arrivé à notre frère Ali, il flagrant. Il rentre dans la mosquée, il était en train de donner cours, il ne savait pas que tous s'enregistrent. Et lui était sur le cours, sur les Ikhwan, etc. Ils ont commencé à gueuler, à parler. Le comportement, fini. Ils ont une sifat qui s'appelle Ikram al-Muslimin. Honorer les musulmans. C'est fini là, il n'y a plus d'Ikram al-Muslimin. C'est des insultes dans la mosquée. Quand il s'est levé pour Salat al-Isha, ils n'ont pas prié derrière lui. Comment, si tu ne pries pas derrière quelqu'un, ça veut dire que... Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Galek Jamaat, ils sont doux. Bonne douceur. Ils sont l'hbab, continue avec eux. Mais quand tu comprends la déviance dans laquelle est? Ah, ils ont pris quelqu'un à Charleroi, ils l'ont maltraité avec en 82, leur grande tête dans un séminaire, et c'est comme le site Cheikh Touijri, là, c'est l'électricité. Et après, ils lui ont dit, ou tu te tais et tu t'en vas et tu laisses les musulmans tranquilles, c'est-à-dire que tu n'avertis pas contre Jamaat Tablir, sinon on appelle la police, on leur dit que la Mercedes là qui est, lui, il venait d'Allemagne, il est plein d'armes. Et Allah. Et je vous lirai cette lettre. Savoir qu'il ne faut pas. Oui, ils sont gentils. L'habab. Andakada, c'est l'apparence. Et je sais de quoi je parle. C'est juste l'apparence. L'habab, quand il y a avec eux. Mais la kalachnikov et les pierres et les pots de banane, quand tu commences à connaître la vérité et à montrer le chemin de la vérité, à ce moment-là, malheur à toi. Malheur à toi. La bête qu'il faut sacher. Fallah al-musta'an. هؤلاء أرباب هذه الجماعات يريدون للشباب لا يريدون الشباب أن يتحرروا يربونهم بأشياء فارغة ثم يبعثونهم كما يشاءون المساكين لا علم لهم يملؤونهم بمذائبهم المخالفة للكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة ثم يبعثونهم ألم يذهب شباب ضحية هؤلاء من هنا من عندكم من بروكسل من بلجيكا إلى العراق ضحية والفتنة بلغت أوجها وقمتها والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبتعد عن الفتن وهم يبعثونهم إلى أوكارها cela ces groupes et ces commandeurs de groupes ne veulent pas que les jeunes se libèrent et les éduquent sur des choses vides sur des vides. Et après, ils les envoient où ils veulent, eux. Ils veulent la direction. Les pauvres, ils n'ont pas de science. Et ils les remplissent tout simplement avec les principes fondamentaux des partis qui sont en contradiction avec la parole d'Allah. Zawajal est l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salam, et la voix de nos plusieurs d'Allah. Mais après, ils les envoient. Il n'y a pas eu. Mais il y a 2 ou 3 ans, les jeunes Belge et la jeune convertie qui s'est retrouvée avec Chirakano en Irak. Pourquoi toi tu crois ça? Tu crois que c'est venu comme ça? Là, c'est pas venu comme ça. Là, il fallait tout en préparation. Il a fallu qu'on lui fasse un lavage du cerveau. Et on l'a envoyé avec son mari, les pauvres, alors que le fitna était au sommet. Le summum de la fitna en Irak, on les a envoyés là. Allez-y. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de s'éloigner des endroits où il y a le fitna. Et Houma, ils envoient les jeunes là où il y a le fitna. Hada, ils veulent du bien à la communauté. Hada, ils veulent du bien à ce jeune. L'ayadan billah. Haoulaï shabab, qila lahum idhabu, fadahabu. أليس هذا دليل على أنهم غسلت أدمغتهم وتحكموا فيهم ويذهب المساكين هكذا بدون أن يسألوا أهل العلم وبدون تفكير ولا استشارة لأهل العلم وبدون استئذان الوالدين؟ لماذا؟ لأنهم تربوا على أن لا يسألوا أهل العلم وأن لا يستشيروهم ولا يسمعوا لهؤلاء العلماء. تربى الشاب أن لا يسمع إلا إلى القيادة، قيادة الحزب وقيادة وإلى مشايخ الجماعة والحزب. وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ حفظه الله في مقدمته، وهذا الذي ابتلي به الشباب في مشارق الأرض ومغاربها. سجن leur dit allez-y là, ils vont. Hein? Sans preuve. Pourquoi? Cela te prouve qu'on leur a fait un lavage de cerveau. Qu'on les commande. Va là, le pauvre, il va là où ils lui disent d'aller. Sans qu'ils demandent aux hommes de science. Pourquoi? Et sans penser, sans réfléchir, sans aller chercher des conseils ou hein, consulter les hommes de science sur la situation. Ils sont demandés permission à ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont éduqué à obéir aveuglément à ceux qui le gouvernent dans le groupe. Et qu'il n'écoute que les directives qui lui viennent des chefs de son groupe et du chouïr de son groupe et de son parti. Et c'est à ça, et c'est sur ça qu'a attiré Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dans son introduction. والمصيبة أنهم يقول الشيخ أحمد حفظه الله تعالى والمصيبة أنهم يظنون أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل ويعتبرون ما فعله جهادا في سبيل الله. والمصيبة أيضا أنهم يظهرون للناس النسك والعبادة ويبطنون في تنظيماتهم السرية للإطاحة بالدول وإقامة خلافة حسب ما زعموا على أنقاضها، فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم وأنهم أبرن الناس بالناس وأتقاهم، والحقيقة أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا، فهم أشبه الناس بالخوارج الذين قال عنهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى لأصحابه رضوان الله عليهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وصفهم في حديث أبي سعيد عند البخاري بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوتان، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. إلى grande catastrophe dit Cheikh Najmi Hafidhahu Allah Ta'ala, c'est qu'ils croient qu'ils sont sur la vérité, que les autres qui ne sont pas sur la même voie qu'eux et sur la voie sur laquelle ils sont, qui ne voient pas les mêmes choses qu'eux, qui n'ont pas les mêmes opinions qu'eux, ils sont dans le faux. Ils considèrent ce qu'ils font un combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Et la grande catastrophe, c'est que les gens se font avoir d'eux. Hein? Comment? Ils montrent aux gens l'ascétisme, l'adoration, la dévotion, la derwasha. Hein? Quand il est assis. Tu vois, les frères musulmans aussi, quand ils veulent appâter quelqu'un et hein, ramener quelque chose à mordre dans l'hameçon, comment ils sont. Et le commun, subhanallah, hein, et les voix douces, tu tombes des fois, même les sœurs, elles se font avoir. Tu entends comment ils parlent doucement. Fais attention, ma sœur. C'est un filet. Fais attention. Tu risques de te prendre les pattes dedans. Il montre l'adoration, comment l'ascétisme et tout ça. Mais en réalité, il cache dans l'intérieur, comme l'Yassine et tout ça. Hein. Les vipères à cornes du Maroc. Mais dans leur organisation secrète, ils œuvrent tout pour faire tomber ces gouverneurs des pays de l'islam. Pour, comme ils le prétendent, ils disent, pour remettre la khilafa, selon leurs prétentions. Et les gens voient en eux des adorateurs et des gens qui adorent bien Allah Azzawajal et qu'ils voient en eux ceux qui préservent les droits d'Allah Azzawajal, ceux qui portent leur façon de parler, quand ils les entendent, ils portent le souci de toute la communauté et qui sont les plus dévoués pour les gens. Ils sont ceux qui préservent. Ainsi l'image qu'ils se donnent. Mais en réalité, ils cachent à l'intérieur quelque chose de très dangereux. Il y a un mal énorme. Ils ressemblent aux Khawarij. Ces Khawarij dont nous a dit le prophète alayhi salam, en les décrivant, et notre prophète ne parle pas de ses propres passions comme nous l'a dit Allah Azzawajal, nous l'a annoncé Allah Azzawajal. Il a dit à ses compagnons, vous allez mépriser votre prière devant leur prière. C'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi salam, qui sont sur la meilleure de voie et qui suivent le prophète alayhi salam, vont mépriser leur prière devant la prière d'Al Khawarij. Votre jeûne devant leur jeûne, c'est rien. C'est-à-dire que c'est des gens qui accomplissent beaucoup d'adoration. Votre lecture dit le Coran devant leur lecture, c'est rien. Mais ils sortent de la religion comme sort la flèche du gibier quand il est touché par cette flèche. Par force, il sort de l'autre côté. Il le traverse. Et dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri chez le Bukhari, il les a décrits ainsi. Il tue les gens de l'islam, il délaisse les adorateurs des statues. Et regardez, les exemples sont très nombreux. Ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qu'ils ont causé pour l'Irak, et ainsi de suite, il a listé longue, les 20 ans, 25 ans de son Algérie. Et vas-y. Rasulullah disait, si je les attrape, s'ils vivaient à leur époque, il va les tuer, comme a été tué le peuple de Had. C'est-à-dire, il va leur réserver un énorme châtiment. Et il dit, bonté à celui qui les tue ou à celui qui l'ont tué, qu'ils ont tué. Celui qu'ils ont tué, il a gagné. Il a tauba. Et c'est une annonce du prophète, alayhi salam, qui ne parle pas de ses propres passions. Et s'il les tue, وقال من أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم كل هذا وغيره ورد فيهم في وصفهم وفي حكم قتلهم وقتالهم وما ذلك إلا أنهم كفروا المسلمين بما لا يوجب الكفر وحكموا باستحلال دمائهم والخروج على ولاتهم الذين أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال ولم يستبيحوا الخروج عليهم إلا بعد أن كفروهم واستباحوا دماءهم وأعراضهم ونحن إذا تأملنا حال أصحاب المناهج المستوردة نجدهم أشبه شيء بالخوارج فهم يتكلمون في ولاة الأمر وإن كانوا مسلمين يحكمون شرع الله ويحكمون به في محاكمهم وإن كانوا موحدين ويدرس التوحيد في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم وإن كانوا ينشرون العلم الشرعي ويشجعون على تعلمه وتعليمه رسول صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith de dire celui qui vit à leur époque, qu'il les tue. Car dans le fait de les tuer, il y a une grande récompense à celui qui les tue. Mais ça, tu le fais une fois que ton gouverneur te l'ordonne. Et derrière ton gouverneur dans une armée, etc. Pas tu vas dans le riz comme ça pour tuer les gens. Non, non, non, loin de là, là. Là, tu vas tomber dans la même erreur. Là, toi, tu attends l'ordre de ton gouverneur. Toi, tu es conditionné par l'obéissance à la sunna de ton prophète, alayhi salatu salam. Et d'obéir à Allah Azza wa Jal, et tu ne fais quelque chose que seulement si tu reçois les directives de ceux qui tiennent le gouvernorat de ton pays, etc. Et tout ça et d'autres textes sont arrivés dans leur description et dans le fait de les combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu mécréants les musulmans avec des choses avec lesquelles on ne doit pas rendre un musulman mécréant. Ils ont émis la sentence comme quoi il est licite de tuer un musulman et de se révolter contre les gouverneurs du pays de l'islam. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par la voix de son messager alayhi salatu wasalam, nous a ordonné d'obéir à nos gouverneurs dans l'obéissance à Allah azza wa jalla et de ne pas se révolter contre eux, même s'ils prennent notre argent, même s'ils nous frappent. On ne doit pas se révolter contre eux. Et ils se sont pris là. Pourquoi ils se sont pris le droit de se révolter contre eux? Parce qu'ils les ont rendus mécréants avant. Ils ont rendu mécréants leur armée, leur police, etc. C'est pour ça qu'ils les tuent. Auparavant, ils les rendent mécréants. Ils disent, le gouverneur est mécréant. Son ministre est mécréant parce qu'il est associé avec lui, donc il accepte ce que veut le gouverneur. Et le petit policier, le petit planton devant la mairie, il est mécréant aussi parce qu'il met en exécution, et ainsi de suite, dans une chaîne qui n'en finit pas et dont des implications qui ne se terminent pas. Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces implications? Pour les égorger comme des moutons. Pour ça. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire comme ça. Donc ils les rendent mécréants tous. Ils tombent dans un péché capital, où là, il est au service de l'État, etc. Ils le rendent mécréants. Parce qu'ils ont rendu l'État mécréant. Hein? Et il n'y a plus d'honneur pour ceux qu'ils ont rendus mécréants. Ils prennent leurs femmes, ils violent leurs filles, et ainsi de suite. C'est un butin pour eux. L'aïdan billah. Et cher de nous dire, ici on médite sur la situation de ces nouveaux voix qui ont été traduites en Arabie. Ils sont similaires à Al-Khawarij aussi. Parce qu'ils appellent vers les mêmes choses, vers la révolte contre les gouverneurs, vers le fait de ne pas écouter les savants, les hommes de science, etc. Pas tout simplement en Arabie, à travers le monde entier. À travers tous les pays de l'islam, ils agissent ainsi. Ils parlent, le meilleur, celui qui est considéré, c'est celui qui parle sur le gouverneur, sur le manoba, qui parle sur les hommes de science, qui dénigre les hommes de science, et ainsi de suite. Ils les dénigrent malgré que dans certains pays, et dans la majorité des pays de l'islam, sinon tous, ils gouvernent avec les lois de Allah, azza wa jalla. Avec des lacunes par-ci, par-là. Ils reconnaissent la loi de Allah, azza wa jalla. Ils reconnaissent, ils ont des ministères de culte, ils ont etc, etc. Les gens prient, les femmes mettent le hijab, etc. Mais nous, humanons, rien. Parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Le bien, il n'y a qu'eux qui ont le bien. Même si Omar ibn Khattab les gouvernait, ils n'accepteraient pas. Il y a le bien que nous. Ils ne voient le bien que par eux. Et même si les gouverneurs sont des unificateurs et des gens qui défendent le monothéisme et qui enseignent dans leurs écoles le monothéisme, dans leurs universités, etc., comme c'est le cas d'Arabie Saoudite, non, ils les rendent mécréants. Même s'ils propagent la science et qu'ils encouragent l'enseignement et le fait d'apprendre. Kullu dhalika lam yamna'an an yastabihu a'rad al-wulat. والعلماء ويبهتهم بما ليس فيهم وينشروا مطالبهم إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أعد من البشر من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة والناشئة من طلاب العلم خاصة توطئة للخروج عليهم مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذلك تمنع ذكر مطالب الولاة في المجتمعات وعلى المنابر وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحتهم سرا وبلين من القول لأن الله تعالى قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأمر بلين القول لفرعون الذي ادعى الربوبية إذن فغيره من باب أولى وحكام المسلمين لم يدعوا الربوبية. Et donc, malgré un exemple comme l'Arabie Saoudite, on enseigne le monothéisme, on propage la science, on fait des efforts pour propager, pour da'wah, etc. Ben, c'est là, ça ne les a pas empêchés de rendre ce pays et les gouverneurs de ce pays mécréants. Et d'appeler vers la révolte contre ce pays. Hein? Et de dire du mal sur les savants de ce pays. Et de les dénigrer, de dire d'eux ce qui est faux et ce qui est complètement monté de toutes pièces. On ne dit pas qu'ils sont parfaits, loin de là. Mais tout ce que ces gens-là propagent est faux. C'est du mensonge. Hein? Mais même si ces erreurs existent, la sunna ne veut pas que tu les propages. Parce que ceci va amener la haine du commun vis-à-vis de son gouverneur. Va amener la haine du peuple à son gouverneur. Va amener la haine du peuple vis-à-vis de ses savants. Qu'est-ce qui va se passer? Le sang va couler dans les rues. Ceci, Hadou, ne craignent pas Allah. Ils injectent leur venin et la haine dans le cœur des jeunes et dans les demandeurs de science. Pourquoi? Pour les préparer au fait de se révolter. Hein? Alors que le dogme et les croyances des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna interdit le fait de mentionner les soi-disant erreurs des gouverneurs et des hommes de science sur le manbar. Ou là dans les journaux, ou là sur les sites d'internet ou autres. Même si c'est véridique. Parce que ceci ramène un grand mal dans la communauté. Mais il voit qu'il est obligatoire aux hommes de science de conseiller, mais en secret, entre eux et le gouverneur. Et c'est ce qu'ils font. Et qu'ils le fassent avec sagesse et avec douceur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on envoyait Moussa et Haroun à Fir'aoun, alors que nos gouverneurs, ils ne sont pas comme Fir'aoun. Il a dit à Moussa et à Fir'aoun, allez vers Fir'aoun, car il a dépassé ses limites, et dites-lui une parole douce. Peut-être qu'il va se rappeler, il va avoir peur. C'est Fir'aoun qui a dit, je suis votre Seigneur, je ne connais pas d'autre divinité pour vous, à part moi. Et malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa et à Haroun, allez vers lui et dites-lui une parole douce. Est-ce que vous avez entendu un des gouverneurs du pays de l'islam qui a dit ainsi? Qui a parlé comme Pharaon? Il n'existe pas. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa et à Haroun d'agir ainsi avec Pharaon, donc en priorité il faut le faire pour les gouverneurs du pays de l'islam. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا توف دوما ابخي العصر ان شاء الله باذن الله